Radio Mont-Blanc, l'agenda. Venez profiter ce week-end à Seynod d'un rendez-vous épique dédié aux jeux vidéo et à la culture geek. Que vous soyez joueur ou passionné de culture geek, le Savoie Retro Games est fait pour vous avec plus de 3000 mètres carrés d'exposants et d'animations sur les thèmes gaming, rétro gaming, simulateur, arcade, flipper et réalité virtuelle. Ateliers, conférences et rencontres exclusives avec plus de 25 invités, tournois épiques et démos exclusives, concours de cosplay, studio de jeux vidéo 3D, concerts, une atmosphère chaleureuse et familiale comme nulle part ailleurs. L'événement gaming, clairement de référence pour les deux Savoie, ce week-end à Seynod, samedi et dimanche. Et puis les amis du château et de la bonne ville organisent leur 44e salon des peintres savoyards. C'est du 4 au 12 octobre à l'Agora de Bonneville. Cette année, l'invité d'honneur sera monsieur Bernard Beau, installé à Thonon-les-Bains. Bernard Beau est un peintre autodidacte dont l'univers artistique mêle émotion, réflexion et intuition. Seront accueillis également 26 artistes, sculpteurs et peintres de toute inspiration et technique, du travail du papier, du verre, de la terre, au travail du fer et bien sûr de la peinture. Ils vont exposer et partager leurs univers. Vous êtes attendus nombreux tous les jours de 15 à 19 heures à Bonneville à partir de samedi.